Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Quand on parle de la Saskatchewan, bien évidemment, on pense instantanément à la province, peut-être à une femme aussi, mais à la province surtout. On oublie qu'il y a une rivière qui porte aussi ce nom. Alors, c'est sur cette rivière que nous nous transporterons maintenant en compagnie de Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Ben oui, quand on pense aux grands écosystèmes du Canada, souvent on a en tête immédiatement l'Arctique canadien ou le fleuve Saint-Laurent et même les grands lacs ou les fameuses rocheuses. C'est les premières choses qui nous viennent en tête. Oui, c'est les images iconiques, on pourrait dire, du Canada. Mais pourtant, il y a, et ça c'est jamais inclus là-dedans pour une grande majorité de la population, je vous parle d'un écosystème qui est très méconnu. Et sa place dans nos livres de géographie est vraiment loin d'être à la hauteur de son importance écologique. Moi-même, étant géographe, j'ai rarement entendu parler de ça. Okay. La raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler. Avec ses 10 000 km², les marais du delta de la rivière Saskatchewan, ben, ça forme le plus grand delta navigable en Amérique du Nord. C'est pas rien. Ben oui, 10 000 km², c'est quand même, c'est une très 10 km par 10 km. Non, c'est plus que c'est, ça. C'est énorme. Oui. C'est 100 km par 100 km. C'est 100 km par 100 km. Et là, je parle seulement du delta vers la fin de la rivière. C'est ça. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne cet écosystème-là. En fait, la rivière Saskatchewan est composée de deux branches majeures, la rivière Saskatchewan Nord et la rivière Saskatchewan Sud, ce qui totalise une superficie de 335 900 km² pour le bassin versant des deux rivières. Ouais, c'est vraiment énorme. Qui vont se converger en une seule. Et ces deux rivières, en fait, elles prennent leur source où? Ben, ces deux branches-là prennent leur source dans les glaciers des Rocheuses en Alberta et coulent vers l'est à travers les prairies sur à peu près 500 km et se déversent dans le lac Winnipeg et même jusque dans la baie du Son. Ah, OK. Et dotées d'une biodiversité qu'on pourrait dire hors du commun, c'est particulièrement en ce qui concerne la sauvagine et les oiseaux aquatiques, ben, cette zone humide-là qui est méconnue atteint presque la taille du delta du fleuve Mississippi, qui est un autre énorme fleuve de l'Amérique du Nord. Et fait encore plus étonnant, ben, même le gouvernement canadien n'a pas de nom officiel pour cette zone aquatique-là. OK. Et c'est au centre, on peut dire, d'un espace qui est carrément sauvage et assez unique en Amérique du Nord, qui est aussi riche que menacé. Ben, la zone humide du delta de la rivière Saskatchewan, elle se trouve à cheval sur la province du Manitoba et de la Saskatchewan. Et ces basses terres boréales ont été inondées avec des sédiments qui sont très riches en nutriments au fil des siècles. Là, c'est un endroit où il y a eu des glaciations il y a plusieurs siècles. Et ça en fait un lieu de prédilection pour la faune et la flore. Et les sédiments là, qui peuvent même atteindre jusqu'à 18 mètres d'épaisseur par endroit, ben, c'est une des raisons qui explique là, pourquoi cette région est très productive là, au niveau autant... Ben, les prairies, on le sait, là, c'est le grenier à blé du Canada. Là. C'est ça, et du monde paraissent aussi. Oui. Et 18 mètres, c'est quand même important. C'est une bonne couche de sédiments. Oui, tout à fait. Les zones humides sont souvent menacées. Est-ce aussi le cas pour le delta de cette rivière, la rivière Saskatchewan? Ben, les milieux humides sont parmi les réserves naturelles les plus productives de nos régions, mais comme tu l'as dit, c'est souvent celles qui sont les plus menacées par l'expansion humaine. Et cette productivité des milieux humides fait en sorte ben, qu'ils abritent une grande variété d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'amphibiens, de poissons, et j'en passe. Et les deux rivières qui composent ce gigantesque réseau hydrographique, la Saskatchewan Sud et Nord, et leurs environs abritent environ 120 espèces d'oiseaux, 43 espèces de mammifères, 48 espèces de poissons et 6 espèces d'amphibiens et de reptiles. La partie est du lac Diefenbaker revêt une importance vraiment particulière. Ça abrite la plus grande population de pluviers siffleurs en Amérique du Nord et c'est une espèce qui est vraiment en voie de disparition sur notre continent. OK. Et est-ce qu'il y a en fait une présence humaine ou des villes, des villages dans ce coin-là? Oui, la plus proche présence humaine, c'est le village de Cumberland House. C'est la plus ancienne communauté établie en Saskatchewan et c'est même la plus ancienne de tout l'Ouest canadien. Pendant des siècles, les Autochtones, puis même les Européens un peu plus tard, ben, ils ont utilisé les deux rivières comme des routes. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de route. Ah ben oui, c'est un fait. Et ceux-ci constituaient vraiment d'importantes routes commerciales. Ça a joué un rôle essentiel même dans la traite des fourrures. Découverte là, plus tard là, de l'Ouest canadien. Tout à fait. Mais malheureusement, le débit de l'eau qui donne une si grande vie et une variété d'écosystèmes diminue progressivement à chaque année parce que l'eau est détournée pour une part sans cesse croissante là, pour le développement ben évidemment de la production hydroélectrique, de l'urbanisation, de l'industrie. Là, je parle même pas des changements climatiques là, parce qu'il y a Il y a énormément de villes qui dépendent de cet écosystème-là. Okay. Malgré que l'Ouest canadien profite en général d'un climat qu'on appelle le continental sec, ben il arrive souvent qu'il y a des inondations qui se produisent, comme en juin dernier, dans le sud de l'Alberta. À Calgary, là. Exactement. Et j'ai d'ailleurs vu passer aujourd'hui dans les nouvelles que c'était l'événement climatique de l'année. Là, ils ont fait un palmarès des nouvelles là, au Canada, mais même en Amérique du Nord. Okay. C'était vraiment les inondations qu'il y a eu à en Calgary. En juin dernier à Calgary. Oui, juste pour vous faire un rappel, il y a à peu près 100 000 personnes qui ont été évacuées dans cette région-là. C'est les plus grosses inondations qu'ils ont vues depuis des centaines d'années. Là. OK. Et ben là, raison de plus pour les autorités d'endiguer des cours d'eau dans ce secteur-là parce qu'ils ont besoin de réguler le débit d'eau. Parce que même si on est dans un climat qui est continental sec, le problème, c'est que dans ces climats-là, quand il pleut vraiment beaucoup. Uh-huh. C'est pas des petites averses. Quand il pleut, c'est des orages. Donc, afin d'éviter des inondations en période de forte pluie et aussi d'avoir des réserves d'eau pour les moments qui sont plus secs, c'est la raison pour laquelle, il y a environ une centaine d'années, on a commencé à construire des digues et des barrages tout le long du bassin de la rivière Saskatchewan, incluant la nord et la sud. Pour mieux contrôler, finalement, l'écoulement de l'eau. Exactement. Là, et aussi, là, parce qu'il y a plusieurs villes qui s'alimentent de façon hydroélectrique. Il n'y a pas juste au Québec qu'il y a l'hydroélectricité. Autant dit, ils servent à la fois pour produire de l'énergie, mais aussi pour retenir l'eau. Il y a des digues qui servent carrément juste à protéger le débit d'eau. Il y en a qui c'est un peu pour la production hydroélectrique. De plus en plus, c'est pour la production hydroélectrique. Et pendant les périodes sèches dans les prairies, le delta de la rivière Saskatchewan est davantage... c'est encore plus important, surtout pour la sauvagine, parce qu'il sert de refuge à beaucoup d'oiseaux qui vont se déplacer d'un endroit qui est plus sec. Par exemple, si c'est plus sec à l'ouest, ils vont tous finalement se ramasser là. Uh-huh. Et si les prédictions en matière de changement climatique deviennent réalité, le delta de la rivière Saskatchewan va devenir carrément un refuge là, vraiment très important dans les années à venir parce que ça va finir que ça va être juste à cet endroit-là qu'il va y avoir des marais et de l'eau douce. Donc, on pourrait dire que c'est pratiquement comme un laboratoire vivant parce que on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais on sait que ce milieu-là est vraiment en train tranquillement là de changer et même peut-être de mourir. OK. Et les barrages, est-ce qu'ils aident justement à contrer cette dégradation? Pas tout à fait. Parce que là, en 2004, après vraiment plusieurs années de plaintes de la part là, des résidents de Cumberland House, là, qui habitent tout près de ces marais-là, le ministère de Pêche et Océans Canada a fini par établir un débit minimum d'eau aux entreprises qui possèdent des barrages le long de la rivière Saskatchewan. Ça l'a aidé un petit peu, sauf que les barrages, le problème, c'est qu'ils emprisonnent pas juste l'eau. Mais oui. Ils emprisonnent aussi les sédiments qui sont très riches en nutriments et sur lesquels l'écosystème du delta dépend énormément. Puis, ça, on connaît pas de solution vraiment facile à ce problème-là. On peut réguler l'eau, mais les sédiments, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à déplacer. C'est un fait. Et là, au cours des 100 dernières années, le débit d'eau du delta a diminué d'à peu près 30%. Donc, ça commence à être inquiétant. Et puisque les lacs ont un niveau d'eau de plus en plus bas à chaque année, certains vont geler carrément durant l'hiver, mais ils vont geler au complet. Parce qu'ils sont très peu creux. C'est ça. Et là, ça extermine tous les poissons. Oui. Exactement. Fait que là, il y a plein d'espèces de poissons qui sont en train de disparaître, qui étaient pêchés autrefois parce qu'ils étaient en abondance. Pour vous donner un autre exemple, le rat musqué, qui dépend des crues printanières parce que il va se nourrir dans ce milieu-là, les crues arrivent plus au printemps parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Les rats musqués sont partis ailleurs. Ils viennent plus dans cette région-là. Et là, c'est un grave problème pour les populations autochtones qui habitent encore à cet endroit-là parce qu'il y en a, je vous dirais, la moitié de la population de Cumberland House, c'est la nation Cree. Et eux, ils pratiquent beaucoup la chasse et la pêche. Ils en ont besoin pour leur subsistance. Mais là, ce milieu qui était autrefois très riche, il commence à être de plus en plus pauvre. Mm-hmm. Non seulement on manque d'eau, mais là, les animaux commencent à s'en aller, les poissons commencent à disparaître. Et c'est assez drastique, là. 30% de diminution de débit, c'est beaucoup, là. Ah, c'est fait, ça. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce milieu-là, parce que c'est riche en biodiversité et ça gagnerait vraiment à être plus connu et plus reconnu de la part du gouvernement. Mm-hmm. Comme j'ai dit au début. Pour le protéger. Pratiquement même pas de statut officiel de quoi que ce soit. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quelques parcs et réserves, mais ils sont très, très minimes. Donc, et comme on a dit aussi, ça a une grande importance pour les villes de l'Ouest canadien, là, que ce soit même juste en alimentation d'eau potable, parce que c'est de l'eau douce. Donc, c'est un milieu qui est très important à protéger. Ben, tu auras aidé à le faire connaître, Mélanie. Ben, ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Alors, publicité sur CKRL et restez avec nous pour la chronique 100% chimique de Jean-Daniel Doucet, le sapin de Noël. C'est ce dont il parlera.